Est-ce que tu m'entends maintenant? François? François? Écoute, François, moi j'entends bien ta guitare, donc. Allô, allô? Tu m'entends là? Tu m'entends maintenant? J'avais un problème de connexion là, au niveau du micro. Et toi, est-ce que tu m'entends? François? Ok, eh ben, oui, c'est parfait. Moi je t'entends, mais est-ce que tu m'entends? On coupe le téléphone. François? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Oui, je t'entends parfaitement. Je t'entends parfaitement. François, moi je ne... Allô? Oui, oui, tu m'entends? Oui? Oui, je t'entends, mais et toi, est-ce que tu m'entends? Tu entends bien la basse quand je joue? Parfaitement, oui. Mieux qu'avant. D'accord, et le micro aussi? Ah oui. D'accord. De l'ordi. Qu'est-ce qu'on choisit comme tempo? Oui. D'accord. Le BPI ou le BPM?